Ma mère me jugeait trop jeune pour aller à Henri IV. Dans son esprit, cela voulait dire pour prendre le train. Je restais 2 ans à la maison et travaillais seul. J'étais libre plus de la moitié du jour. Je me promenais seul au bord de la Marne. J'allais même dans le bateau de mon père, malgré sa défense. Je lisais, couché dans ce bateau. En 1913-1914, 200 livres y passent. Le désavantage de ces récréations alternantes avec le travail était transformé pour moi, toute l'année, en fausses vacances. Mais les vraies vacances approchaient, et je m'en occupais fort peu, puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche. Mais vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent d'autres chats fouettés, et le chat se réjouit. Nous allions chaque jour à dîner à la gare de J, point de suspension, à 2 kilomètres de chez nous, voir passer les trains militaires. Mais bientôt, nous n'allâmes plus à J. Mes frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Mais, vers le 20 août, ces jeunes monstres reprennent espoir. Mon père parlait de départ. Sans doute, n'y aurait-il plus de moyens de transport. Il faudrait voyager très loin à bicyclette. Ils eussent brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir. L'égoïsme des enfants est-il si différent du nôtre? L'été, à la campagne, nous maudissons la pluie qui tombe et les cultivateurs la réclament.